Drama state. Drama state. Drama state. Mon son pue la cave, le détail au gramme ou la pure. J'ai des refrains qui doivent purger des peines aussi longues que ton âge. Dis-moi qui doit tourner la bâche, ma S ne change pas pour une pute. J'suis sur le retour de Rotterdam, pas de clip et talonnage. Qui passe dans mon dos qu'on le baisse. T'es la victime, j'suis l'accusé. Ma S est partie à la pêche, il est revenu avec de l'écaille et un Q7. Venir t'allumer qui m'empêche. J'suis le pétard et la mèche, à défaut de couler dans la mer. Je me vois brasser dans la neige. Je vends des photos, tout est carré. Département plus pauvre de Paris. En préfabriqué et la mairie. Tout bilancé par la mairie. Ma S a perdu des kilogrammes et ma S a pris du blé. M'appelle pas avec ta puce rodin, trop d'imbécilité. Du coup j'ai cassé ma sebu. Devant les keufs je ne sais plus. Avec les mêmes pulls à CP. Des cités blanches à la CP. Ma S a perdu des kilogrammes et ma S a pris du blé. M'appelle pas avec ta puce rodin, trop d'imbécilité. La volaille tourne dans la ville, j'ai pas caché la recherche à côté de moi. Auditionné depuis midi, y'avait mon avocate à côté de moi. 15 balles sur eux, j'avais calé mon FM à côté de moi. J'ai besoin de ma famille, mon manager à côté de moi. J'fais ce qu'il est pas, j'suis dans le Bunks. J'revends la cheveux blanc, la bœuf qui en peste. J'fais ce qu'il a paf, kilo de cesse. Ils vont perdre le nord si j'leur sors l'arme de l'est. J'détaille les roues dans le buzz. J'vois les feux que pue la sécu. Heureusement qu'il y avait la cave pour la daronne et les aides de la sécu. Ça tire, on te laisse pas en béqui. J'ai payé 800 en rétit. La pas du gain, c'est l'appétit. J'ai la dalle depuis la tétine. Terrain de coca, vente de me gras tous les jours. Ville plein de bois d'Arfred, ça béton tous les jours. De spi, j'prends mon bénéf, j'détaille que des douces. Nombreux péchés sur le dos, j'me sens pas léger. On sait qui fait quoi dans la tête, celui qui se fait passer pour plus qu'il les laisse les croire qu'ils ont la paix. Si on s'attrape, j'ai les bousculer. Kalash Uzi dans l'appart. Il me faut ta part et ta perte. On s'attrape, j'ai les bousculer. On sait qui fait quoi dans la tête, celui qui se fait passer pour plus qu'il les laisse les croire qu'ils ont la paix. Si on s'attrape, j'ai les bousculer. Kalash Uzi dans l'appart. Il me faut ta part et ta paix. La volaille tourne dans la ville, j'ai pas caché la recherche à côté de moi. Auditionné depuis midi, y'avait mon avocate à côté de moi. 15 balles sur eux, j'avais calé mon FM à côté de moi. J'ai besoin de ma famille, mon manager à côté de moi. J'fais ce qu'il est pas, j'suis dans le Bunks. J'revends la cheveux blanc, la bœuf qui en peste. J'fais ce qu'il a paf, kilo de cesse. Ils vont perdre le nord si j'leur sors l'arme de l'est.